إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن العلم منار سبل أهل الجنة ومعلم الحلال والحرام، وهو حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تصوى ثارهم ويقتدى بأفعالهم وينهى إلى رأيهم. وقد أثنى على من أخذ حظا وافرا منه، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فانظروا أيها المسلمون كيف بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بالملائكة، وثلث بأهل العلم، وناهيك بهذا شرفا وفضلا. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم. ومعلوم أنه لا رتب فوق رتب النبوة، ولا شرف فوق شرف الوارث لتلك الرتبة. ولفضل العلم فضل الله سبحانه وتعالى العلماء، لأنهم أخذوا بحظ وافر منه فارتفعت منزلتهم وعلى شأنهم، بل إن فضلهم وبرهم وإحسانهم يصل إلى كل المخلوقات. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض، حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. وهو حديث صحيح. Sachez que la science est une lanterne, et c'est à travers cette science que le musulman connaît l'interdit de l'autoriser. Cette science, c'est par celle-ci également que les cœurs vivent. Et par cette science, nous connaissons la clairvoyance dans notre religion. En effet, c'est celle-ci qui nous éclaire et nous illumine le seul et unique chemin qui mène vers le paradis. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui ont acquis la science, de ceux qui ont pris de cette science une grande partie. Allah Azza wa Jal a dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et auront reçu le savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des gens de science lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Imran: Allah atteste et aussi les anges et les savants, qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le mainteneur de la justice. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala commence par lui, en disant qu'il atteste lui, ensuite les anges, ensuite les gens de science, autrement dit les savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité les savants dans ce contexte d'attestation pour montrer leur grande valeur et pour montrer qu'ils ont un degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par le mérite de la science, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les savants. Ceux qui ont pris de cette science, comme je l'ai dit, une grande partie, et leur mérite, leur piété et leur bienfaisance ne s'arrêtent pas à eux, c'est-à-dire à ces savants, mais est diffusée à l'ensemble des êtres vivants de cette vie d'ici-bas et de cette terre. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le grand mérite des savants et a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, Allah ainsi que les anges, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, même la fourmi dans sa fourmilière, même le poisson dans la mer, prie, c'est-à-dire invoque, en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Toutes ces choses invoquent en faveur du savant, en faveur de celui qui a appris la science et a consacré sa vie à l'apprentissage de celle-ci et à son enseignement. Parmi les grands mérites des gens de science, c'est que toute chose prie, c'est-à-dire invoque Allah Azza wa Jal en leur faveur. Allah Azza wa Jal fait leur éloge. Les anges invoquent en leur faveur tous les habitants des cieux et de la terre, que ce soit des djinns ou des êtres humains, même les animaux prient et invoquent en faveur des gens de science. لأن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها فلذلك تستغفر لهم وأيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درة البركات ونزلت الأرزاق فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركة ونجاة الناس منوطة بوجود العلماء فإن يقبض العلماء يهلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وليس يغني عن العلماء وجود الكتب ولو كانت سماوية إذ لو أغنت تلك الكتب عن قوم لأغنت عن بني إسرائيل الذين انحرفوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء ثم قال هذا أوان أي وقت يختلس فيه العلم أي يختطف ويسلب علم الوحي منهم هذا أوان يختلس فيه العلم يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منها على شيء فقال زياد ابن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم والحديث صحيح وقال الإمام أحمد رحمه الله الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. Et les gens dépendent des savants et des gens de science. Tant que les gens de science sont présents, les gens seront épargnés et sauvés de l'égarement. Par contre, lorsque la science et les savants disparaissent, alors les gens sont en grand danger. Selon Abdullah ibn Amr, il dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah n'enlève pas la science de ses serviteurs. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'ôte pas la science de ceux qui l'ont en l'enlevant de ces personnes du jour au lendemain. Non, Allah subhanahu wa ta'ala ne procède pas ainsi pour enlever la science. Mais comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah enlève la science en enlevant les savants jusqu'à ce qu'il ne reste plus des savants. Les gens prendront alors comme guide des personnes qui sont ignorantes. Et ces personnes ignorantes qui seront considérées comme des savants chez les gens seront questionnées, et dans leurs réponses, ils égareront leurs personnes et égareront les autres, wal'iyadu billah. Et rien ne remplace les savants, ni même les livres révélés, ni même les livres révélés, car si les livres révélés dispensaient les gens des savants, alors les fils d'Israël n'auraient pas eu besoin de prophètes, et leurs livres, à savoir l'Évangile et la Torah, leur auraient été amplement suffisants. Mais cela n'a pas été le cas. Ils ont dévié du droit chemin, malgré que les livres révélés d'Allah Azza wa Jal étaient parmi eux. Selon Abu Darda radiallahu anhu, il dit: nous étions avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé ses yeux au ciel et a dit: c'est un moment, ou c'est une heure, ou c'est un temps dans lequel la science sera enlevée des gens jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus l'atteindre. Et Ziyad ibn Labid al-Ansari, qui était présent, a dit: ô envoyé d'Allah, comment cette science peut-elle être ôtée de nous alors que le Coran est parmi nous et nous le lisons? Je jure par Allah que nous le lirons et nous l'enseignerons à nos enfants et à nos femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que ta mère te perde, ya Ziyad. Et ceci n'est pas une invocation contre ce compagnon, mais c'est une expression qui a été utilisée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour exprimer un étonnement. Il a dit: que ta mère te perde, ô Abu Ziyad, je te considère parmi les érudits, parmi les gens de Médine, celle-ci où il y a la Torah et l'Évangile. La Torah et l'Évangile sont présentes chez les Juifs et les chrétiens. Que leur a-t-elle apporté? Qu'est-ce que ces livres leur ont apporté de bien? Qu'est-ce qu'ils ont tiré de profit comme profit de ces deux livres, alors qu'ils ont tué et renié les prophètes qui leur avaient été envoyés? Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit: les gens ont plus besoin de la science que de la nourriture et de la boisson, car les gens ont besoin de se nourrir et de boire 2 à 3 fois par jour. Quant à la science, c'est un besoin de tout instant. فإن العلماء رحمهم الله هم العارفون بشرع الله المتفقهون في دينه العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة الذين وهبهم الله الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والعلماء هم أئمة الدين نالوا هذه المنزلة العظيمة بالاجتهاد والصبر وكما اليقين كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والعلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا عنهم العلم فهم يحملونه في صدورهم وينطبق في الجملة على أعمالهم ويدعون الناس إليه. والعلماء هم الفرقة التي نثرت من هذه الأمة لتتفقه في دين الله ثم تقوم بواجب الدعوة ومهمة الإنذار. والعلماء هم هداة الناس الذين لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله، فهم رأس الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. Et les savants sont ceux qui connaissent la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont érudits dans leur religion, ceux qui appliquent et mettent en pratique la science qu'ils ont acquise. Ils l'appliquent et l'enseignent en toute clairvoyance. Et étant dotés de sagesse, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et celui à qui la sagesse est donnée, c'est un bien immense qu'il a perçu. Et les savants sont nos guides, sont ceux qui ont atteint les hauts degrés de foi et de respect, et ceci en récompense de leurs efforts et de leurs convictions et de leurs certitudes vis-à-vis des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'en a attesté Allah azza wa jalla lorsqu'il a dit: et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guident les gens par notre ordre lorsqu'ils ont été endurants et croyaient fermement en nos signes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ils ont hérité des prophètes la science, une science qu'ils portent dans leur poitrine et qui se révèle et s'exprime dans leurs actes et dans leurs adorations et dans leur rappel et au prêche des gens. Les savants sont également ceux qui guident les gens et seront toujours présents. Ils seront à la tête de ce groupe sauvé dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, lorsqu'il a dit: il ne cessera, ou un groupe ne cessera parmi ma communauté d'être présent et d'appliquer les ordres d'Allah. Nul ne leur portera atteinte, que ce soit ceux qui leur veulent du mal, que ce soit ceux qui les trompent, ou que ce soit ceux qui les contredisent. Ils resteront ainsi en mettant en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que l'heure arrive et ils seront dans cet état. Et l'imam an-Nawawi rahimahullah a dit: ce groupe sauvé sont, comme l'a dit l'imam al-Bukhari, ce sont les savants, les gens de science. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit: si ce ne sont pas les gens du hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. Ayyuhal muslimoun, inna mahabbat al-ulama عبادة لما يحملونه من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه. رواه أبو داود وحسنه. وللعلماء في الدين منزلة لا تخفى، فهم الذين رفعهم الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلمة، وحاجة الناس إليهم أعظم حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات، بنص الكتاب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Sachez que d'aimer les savants et de les honorer et de leur donner la place qu'ils méritent est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous leur donnons cette place et nous les élevons et nous les respectons et nous les honorons pour ce qu'ils ont dans leur poitrine comme science du Coran et comme science de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans un hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud dans ses sunan: fait partie du respect d'Allah le fait d'honorer les personnes âgées musulmanes et également d'honorer ceux qui connaissent le Coran et ceux qui portent le Coran dans leur poitrine sans abuser ni manquer à l'égard de ce Coran. Autrement dit, les gens de science. Les savants ont donc un degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons les considérer ainsi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit au sujet des savants: ils sont dans la terre comme les étoiles dans le ciel. C'est avec eux ou grâce à eux que est guidé celui qui est perdu dans les ténèbres, et le besoin des gens envers les savants est plus grand que leur besoin de boire et de manger, et leur obéissance est plus exprimée et plus appuyée que l'obéissance des pères et des mères, et ceci par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son envoyé et à ceux parmi vous qui ont le commandement. Qul qawli hada wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون أن أحد كبار العلماء قد توفي صبيحة يوم الأربعاء، وهو الشيخ العلامة المحدث الفقيه مفتي منطقة جازان وحامل راية السنة والحديث الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، فكان عالما كبيرا جليلا، وكان معروفا بعلمه وزهده وتقاه رحمه الله تعالى، وكان أيضا معروفا بذبه عن السنة وتحذيره عن البدعة وأهلها. فإن فقد العلماء ليس فقدا لشخص عالم فحسب، وإنما فقد لجزء من تراث النبوة، لأن العلماء ورثة الأنبياء. ولهذا كان فقد العالم السلفي لا يعوض بمال ولا بأي عرض من عروض الدنيا، وإنما فقده مصيبة عظيمة على الإسلام والمسلمين لا تعوض إلا أن يسر الله من يخلفه ليقوم بمثل ما قام به من العلم الصحيح النافع ونشر العلم لتكون كلمة الله هي العليا. أيها المسلمون، إن فقد العلماء في مثل هذا الزمان الذي نحيا به لتتضاعف به المصائب دون غيرها من الأزمنة، لأن العلماء العاملين المخلصين أصبحوا نذرة قليلة بين الناس، وقد كثر الجهل والضلال والتشكيك والدجل والبدع والأهواء والشعوذة، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ولذا كان فقد العالم مصيبة في المجتمع. قال الحسن: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلفت الليل والنهار. وقال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال عبد الله بن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: هل تدرون ما ذهب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. أيها المسلمون، لعل الله أن يكتب الخلف على المسلمين في تيسير من يخلفه في هذه الأمة فيقوم بمثل ما قام به من نصرة الحق، وهذا دوركم أيها المسلمون، والشباب منكم بخاصة. أليس فيكم رجل يستهد همته ما يرى من تتابع موت العلماء؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. Sachez qu'un grand savant de l'islam, est décédé le matin de ce mercredi dernier. C'était un grand savant de l'islam, appelé al-Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. C'était un grand savant connu pour sa science, connu pour sa modestie, connu pour son prêche, connu pour son amour de la sunna et de ses partisans, connu également pour combattre l'innovation ainsi que les innovateurs, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Et malheureusement, à notre époque, lorsque des savants musulmans meurent, très peu en ont connaissance, et très peu, et plutôt beaucoup, découvrent ce savant lors de l'annonce de sa mort. Et ceci prouve un malaise dans cette communauté, et un manque de motivation, et un manque d'intérêt vis-à-vis de nos grands savants de l'islam. Nous connaissons plus les acteurs et les politiciens que les savants, sans parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et la perte d'un savant n'est pas seulement la perte d'un homme, d'un savant en lui-même, mais c'est la perte d'une partie des vestiges de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car les savants sont les héritiers des envoyés. Ainsi, de perdre un savant ne peut être compensé ni par de l'argent, ni par tout autre bien de cette vie d'ici-bas. La perte d'un savant est une catastrophe immense pour l'islam et les musulmans, qui ne peut être remplacée que si Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que parmi les musulmans, des personnes reprennent le flambeau et apprennent la science et la diffusent, comme on fait ou comme l'a fait ce grand savant de l'islam qui était connu pour ses cours diverses, pour son enseignement depuis plus d'un demi-siècle, rahimahullahu ta'ala. Et la perte d'un savant dans une époque comme la nôtre est d'autant plus grave, et d'autant plus grave car nous vivons une époque où les savants sincères qui mettent en pratique la science qu'ils ont acquise se font d'une rareté extrême. Et à l'opposé, l'ignorance, ainsi que l'égarement, ainsi que les doutes, ainsi que les innovations, les tentations et le charlatanisme ne cessent d'accroître à notre époque. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toutes ces turpitudes. La perte d'un savant est donc une catastrophe pour la société musulmane. Al-Hassan radiallahu anhu a dit: la mort d'un savant est comme une brèche, une fente dans l'islam. Rien ne peut la renfermer, et ceci tant que le jour et la nuit se succéderont. Et Ayyub a dit: lorsque l'on m'informe de la mort d'un homme parmi les gens de la sunna, je ressens comme avoir perdu un membre de mon corps. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: apprenez la science avant qu'elle ne soit ôtée, et la science est ôtée lorsque les savants meurent. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit: savez-vous ce qu'est le départ de la science? Nous avons dit non. Il a dit: c'est le départ des savants. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder dans cette communauté des personnes qui puissent prendre le flambeau de la science ainsi que de l'enseignement de celle-ci, et de faire et de suivre les traces de ce grand cheikh rahimahullahu ta'ala. Et ceci est de notre ressort et de notre responsabilité aux musulmans, et en particulier les jeunes parmi vous. N'y a-t-il pas des jeunes qui, lorsqu'ils apprennent la disparition des savants les uns après les autres, n'y a-t-il pas parmi vous des jeunes dont la motivation et la soif d'apprendre grandit lorsqu'il apprend que les savants disparaissent? Abu Darda radiallahu anhu a dit: qu'avez-vous lorsque je vois vos savants partir?